Comment dépasser l'essai sur le don ? Il y a quelques cas où la philosophie s'est trouvée révolutionnée par des apports inattendus des sciences sociales. C'est le cas en particulier sur la question du don, ou l'essai sur le don de Mauss et Huber, publié dans les années 1923-1924, a apporté une révolution fondamentale dans la question philosophique du don, et d'abord la mise au premier plan de toute la société, de toute la morale, de toute la politique humaine, à travers une hypothèse qui pourtant mène aussi à une contradiction dont il faut essayer de voir comment on pourrait la dépasser. La thèse fondamentale de Mauss, Marcel Mauss, grand sociologue des techniques du corps, des obligations morales, et de Huber dans ses très célèbres essais sur le don, est en effet déjà indiquée par leur sous-titre « Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques » et par le titre de l'introduction du don, et en particulier de l'obligation à rendre les présents. En effet, la thèse paradoxale de Mauss et Huber, c'est que l'obligation de rendre un don qu'on a reçu, ce contre-don qui nous paraît certes important, mais quand même facultatif, après tout, c'est pas parce qu'il m'a apporté des fleurs que je dois lui offrir des chocolats, c'est pas parce que je l'ai invité à dîner qu'il doit m'apporter des fleurs, etc. Ça n'est pas une obligation. Eh bien si, Mauss et Huber nous disent, c'est justement cette obligation qui définit le don. D'ailleurs, l'obligation pour Mauss, comme pour Durkheim, est la définition même du social. Il y a du social quand il y a une obligation qui s'impose aux individus, dans les lois, dans les mœurs, dans le langage aussi. Eh bien, le don comporte paradoxalement, lui qui paraît gratuit, une forme d'obligation très précise qui est l'obligation de l'échange, de la restitution. Certes, il doit paraître gratuit, bénévole, désintéressé, mais ça n'est qu'une ruse car il est en réalité obligatoire et c'est sur ce mélange de gratuité apparente et d'obligation réelle que reposerait selon eux toute la société. L'essai sur le don marque donc une étape majeure dans l'interprétation sociale, philosophique et morale aussi de nos conduites, dans la mesure où derrière une libre intention apparente et même mise en scène, on découvre des obligations réelles qui s'imposent à tous et qui permettent selon eux, d'éviter la guerre. Le don, c'est justement la mise en scène d'un échange gratuit pour éviter l'échange réel de coûts délibérés. C'est le don qui nous permet de vivre en paix. Et pourtant, il y a là un paradoxe très profond. Car d'un autre côté, et c'est une bataille presque sans fin, il y a les théories morales et souvent religieuses du don qui font du don d'abord quelque chose d'intérieur, quelque chose de personnel. Je donne de ma personne, je donne ce que je n'ai pas, je donne sans attente de retour. Et de plus en plus, les philosophes, notamment en France, ont insisté sur cette gratuité contre cette obligation. Mais le don comporte en réalité peut-être une dimension qui explique les deux aspects. C'est que c'est d'abord une obligation interpersonnelle et que c'est cette dimension interpersonnelle que l'obligation ne suffit pas à abolir. Le don n'est jamais seulement social ni moral. Il est un peu des deux parce qu'il est relationnel.